une scène bizarre. Il se lève une brise d'emprise sur la braise calme et le feu reprend souvenir au présent. Notre histoire en état comateux. On ne pouvait savoir que nous deux, une fois dans le creux, on se retrouve maintenant, souvenir au présent. Est-ce que je peux vraiment y croire qu'il y aura une suite au moment de gloire que toi et moi on a connu le jour, le soir. J'ai le pincement au cœur à l'idée de te revoir. Je joue pour toi, attrape ma voix. Elle te dira pourquoi je suis là. Tu me sens près de toi, je me confonds au vent, souvenir au présent. Est-ce que je peux vraiment y croire qu'il y aura une suite au moment de gloire que toi et moi on a connu le jour, le soir. J'ai le pincement au cœur à l'idée de te revoir. Au présent, souvenir au présent.